rap, je rip pas sur le beat, leur mets la fessée. C'est le rappeur qu'on isole sur le ring, j'ai dû progresser. Serre-moi un bis, un petit choc en balle, t'as cessé. Toi t'es pas sincère, j'sais pas, il te manque une tâche. Te conseillerais d'aller voir un imam plutôt qu'un psychiatre. Tu parles à un tel, pour amener à un tel. T'es plein de problèmes, tu critiques derrière ton tel. J'ai qu'une vie, pas le temps de polémique et dans le vide. T'es pas sincère, je savais, t'es qu'un hypocrite. C'est malheureux, je sais, oui, mais j'ai fait le tri. Ça sent la pisse. Dans la cage d'escalier, ouais, ça vend des 10. Charbon et nuit blanche, ouais, c'est ça la tête. Maman, reprends ton fils si tu veux pas qu'il glisse. J'suis dans le club, j'suis dans le club, j'suis dans le club. Au Caraïbes, pas avec moi, surveille des clubs. Une fois les thugs, une fois les thugs, une fois les thugs. Ce qui s'en passe, c'est qu'on va les baisser en douceur. J'suis dans le club, j'suis dans le club, j'suis dans le club. Au Caraïbes, pas avec moi, surveille des clubs. Une fois les thugs, une fois les thugs, une fois les thugs. Ce qui s'en passe, c'est qu'on va les baisser en douceur. J'suis dans le club, j'suis dans le club, j'suis dans le club. J'suis dans le club, j'suis dans le club, j'suis dans le club. J'suis dans le club, j'suis dans le club, j'suis dans le club. Une fois les thugs, une fois les thugs, une fois les thugs. Ouais, j'ai un mot, grosse bague en diamant. On a le nez dans les affaires, on veut des lingots. Excuse-moi, ma pile. Occupe-toi ta vie, ah. Dealer Yassine, ami, ami, oh mani. Je vais t'apprendre un truc sur les jaloux qui veulent te couler. Ils sont passés pour des bons et toi toujours pour un enculé. Diront que t'es mauvais mais n'ont pas fait le quart de ce que t'as fait. Ils vont essayer de t'isoler pour mieux te manipuler. Vato, devant tes parents t'es malade. Ils se sont connus petit wallah, t'étais même pas là. Ça part de calage, coup de croix t'es pas là. Coup de coude à l'époque si tu nous mènes en bas. J'suis dans le club, j'suis dans le club, j'suis dans le club. Au carré VIP avec moi surveille de club. Une fois les thugs, une fois les thugs, une fois les thugs. Ce qui s'en passe c'est qu'on va les baisser en douceur. J'suis dans le club, j'suis dans le club, j'suis dans le club. J'suis dans le club, j'suis dans le club, j'suis dans le club. J'suis dans le club, j'suis dans le club, j'suis dans le club. Il me faut les thugs, il me faut les thugs, il me faut les thugs. J'suis dans le club, j'suis dans le club, j'suis dans le club. J'suis dans le club, j'suis dans le club, j'suis dans le club. J'suis dans le club, j'suis dans le club, j'suis dans le club. Il me faut les thugs, il me faut les thugs, il me faut les thugs. J'suis dans le club, j'suis dans le club, j'suis dans le club. J'suis dans le club, j'suis dans le club, j'suis dans le club. J'suis dans le club, j'suis dans le club, j'suis dans le club.